Parole du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Disposez donc vos cœurs, écoutez la parole du Seigneur. La puissance de l'appréciation, c'est le thème de l'enseignement que nous apporte le docteur Joseph Kabuya Masanka, théologien et enseignant en théologie au Canada. Bonne écoute à vous. Auditeurs et auditrices, je suis heureux de vous accueillir sur les antennes de radiofréquence Vie dans ce programme Temps du salut. Nous allons continuer avec un thème passionnant, la puissance de l'appréciation. L'appréciation, une puissance méconnue qui peut guérir, restaurer et favoriser le développement du plein potentiel. Ce principe d'appréciation est un thème passionnant, que j'ai vu dans les 10-15 dernières années changer des vies des familles, guérir des familles, motiver des personnes qui avaient tout abandonné dans leur vie, mais qui se sont relevées pour se mettre au travail. Vous ne pouvez pas réaliser ce que l'appréciation peut apporter dans la vie d'une personne. Je suis professeur, j'ai reçu dans mon cours une étudiante que je n'oublierai jamais, qui avait abandonné les cours plusieurs années. Elle avait un certain âge, la madame. Quand j'ai introduit le premier cours, elle était déséquilibrée. Elle ne s'attendait pas que les Grecs étaient cela. Elle était prête à abandonner. Comme professeur, j'ai vu dans ses yeux qu'elle n'était pas à l'aise. Je me suis approché d'elle après les cours, je l'ai saluée. « Madame, comment tu as trouvé les cours ?» Elle m'a dit « Ce n'est pas ma place. » Et j'ai rétorqué en lui disant « Tu es la meilleure étudiante que je n'ai jamais eue dans ma classe. » Elle dit « Monsieur, vous vous moquez de moi. Ça fait de longues années que je n'ai pas été à l'école. Je n'ai pas de mémoire de mémoriser les Grecs. » J'ai dit « Je t'ai supplié de venir à la deuxième séance. » À la deuxième séance, quand je suis entré dans la salle des cours, je suis passé à côté d'elle. J'ai dit « Les cours d'aujourd'hui, c'est les meilleurs cours et tu seras la meilleure étudiante de la classe. » Elle a souri. Et j'ai continué semaine après semaine, quand je venais dans les cours, j'ai passé la saluer, à l'encourager. Curieusement, au bout de 5 séances, elle a pris le rythme des cours et quand j'ai terminé l'année académique, elle était la meilleure étudiante. Voici ce que l'appréciation peut produire. Vous avez des enfants, vous avez une épouse, vous avez un époux. Cessez de les brimer par des remarques sans cesse. Tu ne réussiras jamais, tu fais toujours des mauvais résultats, tu n'es pas bonne, tu n'es pas qualifiée. Vous écrasez l'individu ou les membres de votre famille. Mais lorsque vous avez un regard positif sur les membres de votre famille, que vous appréciez les moindres choses qu'elle accomplit, vous allez voir qu'elle va s'améliorer et produire des meilleurs résultats. Dans ce deuxième enseignement, l'appréciation, un des langages de Dieu, je vous invite à lire avec moi dans le livre des Juges, au chapitre 6, au verset 12. La parole de Dieu dit, « L'ange de l'Éternel lui a apparu et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » L'Éternel s'adresse à Gédéon alors qu'il battait les froments au pressoir à Ophra pour les soustraire au pillage des Madians. Je crois que vous connaissez le récit. Gédéon, comme tous ses contemporains, était accablé par la condition socio-économico-politique de son pays qui, depuis 7 ans, était sous la domination des Madians, un peuple voisin au sud-est d'Israël. Dépassé par la situation, les enfants de Dieu crient à Dieu pour qu'il les délivre de cet ennemi puissant. Criez à Dieu quand tout va mal dans votre vie. Mais Dieu nous invite d'ailleurs, approchez-vous du trône des grâces, déchargez-vous sur moi. Nous avons une invitation et le peuple de Dieu des générations de Gédéon a répondu à cette invitation en venant vers Dieu, en criant vers lui, délivre-nous de ces puissants, méchants, envahisseurs, destructeurs. Et l'Éternel a répondu au gémissement de son peuple en suscitant Gédéon comme instrument de délivrance. C'est dans un contexte de peur, d'inquiétude, de désespoir et de chagrin que l'Éternel appelle Gédéon à l'école des héros. En effet, lorsque l'ange de l'Éternel vient vers Gédéon, il qualifie Gédéon de vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon fut très surpris. Lui qui s'est caché dans un pressoir par peur des Madianites, vous réagirez comme moi, drôle de surnom, n'est-ce pas? Vaillant héros. D'ailleurs, Gédéon a un véritable problème d'estime de soi. Gédéon est ce jeune homme qui voit tout en petit. Parce que dans sa réponse, il dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Il voit tout en petit. Ce que je voudrais te dire en te parlant de l'appréciation, arrête de te voir petit. Arrête de te voir chétif. Arrête de te voir pauvre. Arrête de te voir monsieur échec, madame échec. Arrête de te voir, ma vie n'a pas réussi. Arrête de te voir. Change la manière de te voir. Gédéon ne sert pas un héros, mais il en a la capacité. C'est pourquoi nous disons que Dieu utilise une appréciation anticipative. C'est de cela que nous allons parler. Une appréciation anticipative. Il anticipe, il voit dans Gédéon un futur héros. Ce que je voudrais vous amener à considérer aujourd'hui, c'est de voir votre fils, un futur leader, un futur conducteur des chants dans l'église, un futur médecin, un futur ingénieur, de voir dans votre femme une responsable, de voir dans votre mari un conducteur, un homme qui a réussi. Commencez à déclarer sur sa vie les potentiels qui sont en lui, qui doivent changer sa vie. Ne déclarez pas seulement ce que vous voyez aujourd'hui. Arrêtez de voir votre enfant, votre époux, votre épouse, votre ministère à travers les échecs d'hier. Mais regardez les gens que Dieu vous donne à travers leur potentiel, à travers ce qu'ils sont capables de produire et de réaliser. Nous allons relever 4 caractéristiques de l'appréciation anticipative. Premièrement, l'appréciation anticipative, elle révèle. C'est ce que nous voyons ici. En appelant Gédéon vaillant héros, Dieu utilise un titre honorifique pour révéler à Gédéon son caractère. Déjà, le nom de Gédéon signifie celui qui taille avec la hache ou le bûcheron. Son caractère d'homme fort et de vainqueur. Donc, Gédéon portait un nom prophétique, un nom qui portait un message de ce qu'il était et de ce qu'il allait devenir. Il avançait vers le caractère d'un héros. Les réalités dans lesquelles vivait Gédéon ont forgé l'image qu'il avait de lui-même. Et ça arrive à chacun de nous, les réalités de notre vie faussent l'image de ce que nous sommes. Les réalités dont je parle, c'est l'échec, les pertes d'emploi, une fausse couche, une relation amoureuse brisée, un divorce, perte d'argent, faillite, et toutes ces choses-là viennent fausser l'image que nous avons de nous-mêmes, l'image de notre mari, l'image de notre fils, l'image de notre pasteur, l'image de notre église. Et nous nous cessons de regarder notre vis-à-vis à travers ces échecs. Et Gédéon a une image fausse de lui parce qu'il voit son rang dans la famille. Il dit, je suis petit. Il compte les membres de sa famille. Nous sommes d'une famille petite. Donc, je suis incapable, nous sommes incapables, je suis faible. Mais l'appréciation anticipative nous amène à nous tenir du côté de Dieu, à regarder notre vie comme Dieu la voit. Et Dieu voit en Gédéon un homme, un guerrier, un homme fort, un homme qui a un caractère déterminé, un homme capable, un conducteur, un leader du peuple. Et dans l'appréciation anticipative, nous confessons ce que nous serons demain, ce que nous sommes en train de devenir. Nous portons sur nous un manteau des héros, un manteau des vainqueurs, un manteau des triomphateurs, un manteau des conducteurs. Bien que nous ne le sommes pas, mais nous nous regardons comme Dieu nous voit. Deuxième caractère, l'appréciation anticipative donne de l'assurance. En utilisant l'appréciation anticipative, l'Éternel donne de l'assurance à Gédéon et le motive à agir. Il lui donne la force qui lui manquait et lui fait découvrir qu'il avait déjà en lui la force nécessaire pour conduire Israël à la victoire. Parce que Gédéon va réagir quand l'Éternel lui dit, « Gédéon, vaillant héros, tu es un général. C'est toi l'homme par lequel je dois délivrer Israël. » Il est tellement brisé dans sa souffrance intérieure. Vous savez, la souffrance intérieure peut nous amener à avoir des larmes aux yeux, des larmes dans l'âme. Nous voyons notre vie comme un échec. Nous ne voyons rien de bon. Tout est sombre. C'est là que Gédéon va rétroquer, dire, « À quoi sauverai-je Israël ?» Il veut dire, « Je n'ai rien. Je suis petit. Je suis incapable. Je n'ai pas de force. » Mais l'Éternel va lui dire, en lui donnant cette réponse, « Va avec la force que tu as. » Cette parole démontre que l'Éternel est la source et la provision de tout ce dont ces héros ont besoin pour s'engager dans la mission. Je voudrais dire à mon frère, vous qui m'écoutez, à ma sœur, il est vrai que votre passé est difficile. Quand vous regardez votre passé, vous êtes un enfant rejeté, mal aimé dans votre peau. Votre vie est parsemée des échecs, des souffrances d'enfance. Toutes ces choses bouillonnent dans votre tête. Mais je voudrais te dire que cela n'est pas la fin. Cela n'est pas la fin. Ta vie ne s'arrêterait même pas là. Bon nombre des héros d'hier et d'aujourd'hui sont passés par des chemins difficiles. Ont connu une enfance difficile, ont connu les échecs dans les études, ont connu l'échec parfois dans les mariages, ont connu l'échec dans les études. Mais toutes ces choses n'ont pas déterminé la fin. Vous aurez une fin heureuse. Vous réussirez. Mais il faudrait tout simplement commencer à vous apprécier vous-même, à réaliser ce que vous êtes capable. Nous avons dit que l'appréciation anticipative, elle révèle, elle donne de l'assurance. L'appréciation anticipative, elle donne du courage. Je disais que l'appréciation anticipative donne du courage. L'Éternel dit à Josué, « Tu battras les Madianites comme un seul homme. » Quelle parole et quelle assurance, quelle promesse, quelle révélation Dieu donne à un jeune homme qui n'a jamais fait la guerre, un jeune homme qui a la peur dans l'âme, un jeune homme qui est désappointé. Mais Dieu lui donne une parole qui est une promesse pour lui dire, appuie-toi sur moi, appuie-toi sur la parole, la promesse que je te donne. En vous appuyant sur cette promesse, tu as la garantie que je vais te conduire à la guerre et c'est moi qui te donnerai la victoire. Cette parole vient apporter à Gédéon l'assurance pour qu'il sorte de l'ombre et accepte la mission que Dieu lui donne. Quelle est cette mission? Délivrer son peuple ou délivrer le peuple des dieux de l'armée madianite. Par l'appréciation anticipative, l'Éternel conduit Gédéon à découvrir le potentiel qu'il avait en lui. Il y a en toi, cher auditeur, le potentiel inouï. Vous êtes un homme extraordinaire. Vous êtes une femme extraordinaire. Il y a en toi des ressources que vous n'avez pas exploitées. Arrêtez de porter deuil sur votre passé. Le passé est passé, mais votre avenir sera meilleur. Arrêtez de pleurer. que vous avez manqué au bac. Arrêtez de pleurer qu'un garçon vous a laissé. Arrêtez de vous voir toujours petit, de voir que vos parents n'ont pas eu d'argent, ils ne vous ont pas mis dans une école privée, vos parents ont divorcé. Toutes ces choses font partie du passé, mais il y a un avenir meilleur que le Seigneur vous donne. Le potentiel qui était en Gédéon était enfoui, mais la parole de Dieu vient apporter la lumière. Et c'est alors que Gédéon a le courage d'entreprendre la mission que le Seigneur lui a donnée, ce projet d'aller faire la guerre qu'il n'a jamais faite avant, mais parce que le Seigneur lui a donné une parole. Quatrième principe qui s'attache à l'appréciation anticipative, cette appréciation conduit à l'action. Dieu est un Dieu d'action parce que Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 17, « Comme mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père est un Dieu d'action, moi le Fils, je suis aussi un Dieu d'action. » Vous voyez la progression dans la démarche du Seigneur. Il guérit Gédéon du regard négatif qu'il a sur lui, de la manière dont il s'aperçoit. Dieu l'amène à changer son regard. Moi, je vous invite, en m'écoutant à ce moment, de changer la manière de vous voir. Probablement, vous avez toujours entendu des remarques négatives, des reproches. Tu ne réussiras pas, tu es incapable, tu es une mauvaise personne, tu as un sale caractère, tu as échoué. Tu essayes maintenant de détourner les oreilles de tout ce que tu as entendu et d'affirmer avec moi, je suis la meilleure personne. Je suis la personne de la situation. Comme David va le dire lorsqu'il trouve Saül engagé au front avec contre Goliath, alors que toute l'armée d'Israël était battue en retraite, il se présente devant Saül pour dire, je suis l'homme de la situation. Peux-tu le dire avec moi? Je suis l'homme de la situation. Commence à t'apprécier toi-même. Je suis capable, je peux m'en sortir. Et une fois que cette guérison est venue, que Gédéon a changé la manière de se voir, la manière de considérer la situation, jusqu'à dire « je suis capable, je peux faire, je peux réussir », tu l'as dit avec moi, je peux réussir, je peux me relever, je peux travailler encore dans ce pays, j'aurai un bel emploi, j'aurai une famille, j'aurai de beaux enfants, je rendrai ma femme heureuse, je rendrai mon mari heureux. L'appréciation vous amène à vous apprécier vous-même avant d'attendre que les autres puissent le dire. Il ne faudrait pas que les discours, les remarques que tu as entendues depuis l'enfance de tes parents, probablement de ton mari, probablement de ta femme, conditionnent ta manière de réfléchir. Il y a une guérison qui vient dans les messages d'appréciation quand vous lirez les livres. Nous disions que l'appréciation anticipative conduit à l'action. Cette appréciation amène les jeunes Gédéon, peureux qu'il était, inconscient qu'il était, incapable qu'il était, à découvrir son potentiel. Une fois qu'il a découvert le potentiel, il n'a pas tourné les pouces. Il s'est levé. Il s'est mis en action. Il a cassé l'autel des divinités païennes qui était sur la cour de son père. Il a reconstruit l'autel des dieux. Il a offert les sacrifices. Il a dit, je suis l'homme de la situation. Je suis le guerrier. Je suis le vainqueur. Je vais donner la victoire à mon peuple. Plus jamais la vie ne sera la même. Plus jamais nous ne serons sous la domination des Madianites. Nous avons la victoire. Et il s'engage dans la guerre contre cet ennemi redoutable. Contre cet ennemi redoutable qui les a écrasés pendant cette année de domination, cette année d'humiliation, cette année de dépouillement, cette année de larmes, cette année de honte, cette année où Israël vivait tête baissée pour montrer que le temps ne compte pas. Quand tu t'élèves, quand tu entres dans ton appel, quand tu découvres, comme je viens de te le montrer, tu es l'homme des situations. La saison dans laquelle tu m'écoutes est ta saison où tu dois t'élever. Mais pour t'élever, prends le temps de t'apprécier. Prends le temps de déclarer sur ta vie que tu es l'homme des situations, que tu es un homme capable, tu vas réussir, tu es un homme qui a des potentiels, qui a la capacité les erreurs, les échecs, tous les héros de la foi les ont connus. En résumé, nous pourrons dire que les mots et les gestes que nous adressons à un être cher ont le pouvoir de le relever, de vaincre le découragement, de transformer la démotivation à une source inévitable de dynamisme et de communiquer de nouvelles ambitions. Cela nous amène à des mots de conclusion. Ne parlez pas à la légère. Chaque parole a un effet positif ou négatif. Dieu nous appelle à bâtir les caractères de nos enfants, bâtir les caractères de notre mari, bâtir les caractères de notre épouse, bâtir les caractères de chrétiens de notre église comme pasteur d'église. C'est par la puissance de la parole, en sémant les paroles d'espoir, en sémant les paroles de vie, en sémant les paroles de motivation, les paroles d'encouragement qui vont développer les caractères et les dynamismes que Dieu a déposés dans chacun. Votre vie n'est pas un échec. Vous êtes un homme extraordinaire. Quand Dieu te regarde, il te voit comme Gédéon en disant, « Vaillant héros, oh je voudrais te saluer, cher auditeur et auditrice, tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros à Abidjan. Tu es un vaillant héros à Yamoussoukro, à Daloa. Tu es un vaillant héros. Ce que tu as connu comme difficulté n'a été qu'une école de préparation pour entrer dans ton appel. Et Gédéon est passé par là. Chaque personne n'est né héros, on devient héros. Et chaque héros a connu un temps de faiblesse, un temps d'incapacité, un temps d'échec. Mais l'échec n'est pas votre destinée. Votre destinée, c'est la réussite. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous guérisse et que le Seigneur vous amène à découvrir la puissance de l'appréciation qui peut changer votre vie et l'atmosphère autour de vous. Amen. Nous recevions le docteur Joseph Kabuya-Masanka qui nous entretenait sur le thème suivant, la puissance de l'appréciation. Vous venez d'écouter Parole du Seigneur, une production de la radio Fréquence Vie, Abidjan, Côte d'Ivoire. À bientôt.